Okay, let's go. Salut! Bienvenue dans les vibrations. Non-stop. La soirée ne fait que commencer et nous allons pousser les décibels au maximum. Pour vous faire pénétrer au son des nouveautés dans l'autre musique. 2000 watts de puissance sonore et 15 000 watts de puissance lumineuse à votre disposition. Music. Il est grand temps de décoller de vos sièges et de venir danser avec nous. Get it on. Attention, ça commence.